est un partant d'année en lambeaux de souvenirs qui flotte triste drapeau au ciel de mon empire, qui sans toi n'est plus que cendre. Des connexions perdues laissées aux satellites qui s'en vont de mon cœur, les fréquences qui palpitent, et des portables au lieu des lettres. Tu vois, je suis pas sûr que le progrès toujours fasse progresser l'homme à pas finir tout seul. Y'a qu'à voir comme les gens se quittent. Et ainsi va le monde et ainsi va la vie. Nous courons tous ensemble vers la fin qui nous lie. Que des troupeaux vers l'abattoir. Je t'en prie, finis-moi. J'en peux plus t'en mourir. Je t'en prie, finis-moi. Sinon plus rien, non plus rien ne veut rien dire. Quelle prétention avions-nous, nous enfin, de nous dire que nous valions, oui, quelque chose. Dans la rue, c'est encore un autre bourret qui crie toute la bêtise humaine pendant que moi je t'écris autant de bêtises que lui. Bientôt les éboueurs viendront ramasser poubelles entre de vides ordures. Je leur donnerai ce mot qui pouvait pas finir en de meilleures mains. L'amour est infidèle et nous tristes fidèles. À l'amour nous brûlons et nous brûlons nos ailes de tristes veaux vers l'abattoir. Je t'en prie, finis-moi. Je peux plus te ramper. Je deviens fou, tu sais. Là, comme un échoué. Et je sais, je suis glauque avec mes chansons tristes. Mais j'emmerde le monde et il me le rend bien. C'est un peu comme si nous étions quittes. Toi l'autre que j'aimais, je te prie maintenant de finir le travail que tu as commencé. Et s'il te plaît, avec le sourire. Non, n'aie pas de remords de me donner la mort. Tu sais, moi, avant toi, j'en ai piétiné des cœurs qui avaient vu en moi ce que moi j'avais cru voir en toi. Du bourreau sauveur, de l'agneau vampire, on est tous un jour l'un, un jour l'autre. C'est le jeu qui nous tue, qui fait qu'on vibre. Je t'en prie, écris-moi. Donne-moi tes nouvelles. je serai en bas. Envoie-les vers le ciel. Je t'en prie, écris-moi. Je t'en prie, écris-moi.